souffle de ma vie, le vent qui danse autour de moi, tu es la fraîcheur de mes nuits, mon cœur qui bat, tu es la rivière dans mon lit, la mer qui vient et qui s'en va, tu es le seul cours de ma vie. L'amour, c'est toi, tu es mon toit et ma patrie, l'amour, c'est toi. Allez, viens, danse à la vie, sur un tango, sur une mélodie, un chant d'amour, un hymne infini, en noir et blanche, fais danser la vie. Allez, viens, danse à la vie. Le fandango, c'est tellement joli. Un chant d'amour qui déchire la nuit. Viens faire danser la vie. Tu es le soleil qui sourit. Le jour de pluie, le jour de froid. Le grain de toutes mes folies. Tour à tour, ami, ennemi, je vais là où j'entends ta voix. S'il faut que je trouve un abri, tu es mon toit. Si ma vie est une fantaisie, c'est grâce à toi. Allez, viens, danse à la vie, sur un tango, sur une mélodie, un chant d'amour, un hymne infini, en noir et blanche, fais danser la vie. Allez, viens, danse à la vie, le fandango, c'est tellement joli, un chant d'amour qui déchire la nuit. Viens faire danser la vie. Allez, viens danser la vie.